bunda. Rien à foutre, on en a rien à foutre. C'est là qu'on se rassemble pour boire un jour et manger un morceau. C'est là qu'on se rassemble. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont de joyeux gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont de sacs gaillards pour les fêtes du carnaval. Putain, t'es confetti à la con là. Voilà, oh là là là là, il casse les couilles, il casse les couilles. Thank you.